On veut tous quitter le quartier, mais c'est que des mots, on n'agit pas. Y'a trop de frères enfermés, trop de frères partis qui reviennent pas. Je me suis lancé dans un délire, et puis qui sait si ça marchera. Je sais qu'un jour on va mourir, et que le temps perdu on le regrettera. Je vais rapper, je vais chanter ma haine, t'as coulé, ça me fait de la peine. Louis Vuitton, location Cayenne, c'était qu'un temps, t'as fini aérienne. Ça se passe comme ça la Tessie, tu dis des choses, il faut assumer. Y'a quelqu'un en I, câble KDM toute la journée. On s'en sortira, même si c'est pas ce que tu voulais. Ça tabarba, quand ça crie le bébé, c'est qu'elle est poulée. Eh ouais, Runa, tu contrôlais la zone, t'as fini genouné. Manda Oussama devant l'OPJ, faut toujours nier. On sait pas quoi faire, eh ouais, mon frère, c'est la mer. Mes journées se ressemblent tous les jours, bah c'est la même. Mon poteau attend les yo-yo, mon bichon tèche le yo-yo. Ma darole croit que je suis feignant, c'est ça, mais ce que je prépare dans son dos. Dans quelques temps vous verrez, on arrive c'est le cycle levé. Vos rappeurs ils ont trop la haine, comme un bateau je les fais chavirer. Je veux pas d'une femme comme Elvira, j'en veux une jusqu'à la muerte. C'est quel croc qui me soutiendra si un jour on prive de ma liberté. J'en ai marre de tout, faut que je me barre de là. Manger chez où j'avais le sourire avec 5 dollars. Tout a changé, ça sera plus pareil. Nombreux sont les faux qui sont plus présents, qui manquent à l'appel. Je regarde le ciel, je me nique la santé. Tu veux t'en sortir, ça te porte l'œil, non y'a plus de pitié. Surveille ta distance, surveille tes reflets. La rue c'est dangereux, suffit d'un faux pas, je te fais glisser. Y'a les grands qui t'incitent, paranoïa que tu te sens pisté. Avec les piques, y'a des endroits de la zone qu'il faut éviter. Avant je rentrais pas, bah dans quelques temps moi je serai l'invité. Je repense à ma vie, je regarde où j'en suis, c'est tout mérité. On sait pas quoi faire, et ouais mon frère c'est la mer. Mes journées ressemblent tous les jours, bah c'est la même. Mon poteau attend les yo-yo, mon bichon tèche le yo-yo. Ma darole croit que je suis feignant, c'est ça, mais ce que je prépare dans son dos.